Vous écoutez le podcast Mac Québec et on fait partie de la communauté. Bonjour et bienvenue au podcast Mac Québec. Cette semaine avec moi pour animer. Aujourd'hui, il a pris congé car une certaine compagnie au nom de fruits était supposée présenter un nouveau téléphone révolutionnaire. Quand il a vu le clavier sur le téléphone, il était en tabarnak. Jean-François Roy est avec nous. Salut! Salut! Ça va? Tu n'es pas allé travailler parce que tu t'es dit « Hey, Apple va présenter de quoi? » Puis là, tu as fait « Ah non! » Non, je me suis trompé de logo. Fait que ouais. Je suis retourné travailler. J'étais chez nous, je la regardais. Fait que là, genre « Fuck, je retourne travailler! » C'est bon! Autre co-animateur, cette semaine, tout le monde est en train de tweeter que iOS 6.1 vient d'être disponible au téléchargement, sauf lui qui disait « Sweet, il y a un nouveau Xcode! » Vincent Miller est avec nous. Salut, ça va bien, Vincent? Ça va bien, toi? Oui, toi? Oh! Oui, ça va bien. Excellent. Tu as mis la main comme ça sur les outils Xcode, j'imagine, qui ont été mis à jour cette semaine? J'ai fait la mise à jour. Dès que c'est sorti, j'ai fait la mise à jour. Là. Y a-tu des nouveautés? Pas vraiment. Dans Xcode, pas vraiment, non. Il y a des petites modifications, mais au niveau des iOS 6.1, par exemple avec Map ou ces choses-là. Là, mais les API pour aller chercher. Ouais. Excellent. Excellent tout ça. Il y a aussi celui que Pontifex voudrait comme technicien informatique au Vatican, le pape du Mac, Alexis Cornelier. Oui, mes très chers frères, bienvenue au podcast Mac Québec. Je l'ai pas trop, hein? Non. Pas grave. Avec le maquillage, ça paraîtrait mieux. Il faudrait que je me loue un suit. Ouais, mais ça va commencer à être cher du podcast. Audio, ça ne sert pas à grand-chose. T'as déjà tes lumières à rembourser, là. Oui, oui, ben c'est ça, là. Bon, est-ce qu'on commence avec les nouvelles cette semaine? Ou, attends, non, une minute, je vois dans le document qu'il y a des coups de dose et des coups d'os. Oui. JF? Oui, je vais commencer par mon coup d'os. Là. Je l'ai dit dans l'autre show, mais je vais leur dire. J'ai changé de fournisseur Internet aujourd'hui. Okay. J'étais avec Vidéotron, puis c'est assez quelque chose partir avec eux autres. Hein? De partir du service, c'est effrayant. Okay. Ils veulent tellement là, que tu restes, là, mais ils sont tellement pas ouverts que. Non, regarde, là, c'est fini, là, arrête de me proposer 23 000 deals. Là, moi, mon idée est faite. Là, fait que je vais. Moi, mais vous savez, regarde. C'est fini, là. Je veux dire, j'en veux plus de l'Internet avec vous. Là. Je vais aller chez votre compétiteur qui est sur votre réseau, mais qui me donne plus que ce que vous me donnez, que vous avez votre propre réseau. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, je suis dans le merveilleux monde de l'Internet illimité. Je sais pas jusqu'à combien c'est illimité pour eux. Je vais le savoir un moment donné. Il commence à avoir des compagnies qui offrent du illimité, vu que le usage-based billing, là, ça c'est tellement 2012, là, mais... vu que le usage-based billing n'a pas passé, à ce moment-là, les compagnies se remettent à offrir de l'Internet illimité. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont gérés par le CRTC, hein, ce que Vidéotron n'est pas. Il est géré par sa propre boîte. Le nom de mon... Les règles au niveau des télécommunications sont les mêmes pour tout le monde, qui sont gérées par le CRTC. Ah oui, OK, je pensais... Ouais, ben, je sais que... C'est vraiment Vidéotron qui veut te charger... Okay. À la bande passante avec une limite puis toute la quête. OK. Alexis, tu veux monter ton son un petit peu? Ça a l'air qu'il est trop bas. Mon nouveau fournisseur, j'ai fait quelques recherches. J'ai demandé sur Twitter à du monde. Puis non, c'est pas Texavi. J'ai pris Distributel qui passe par le réseau de Vidéotron. Carrément, tu sais, fait que pourquoi j'irais pas, tu sais, je suis satisfait avec le réseau de Vidéotron, ça plante pas ici là. Et c'est cher, le même prix que je paye présentement, mais okay, du bon. Illimité, J'ai du illimité, c'est ça. J'ai mon 30 mégabits et mon 3 mégabits en upload. Non, Ethan, je ne l'ai pas encore. Il va venir l'installer, je pense que c'est dans la semaine du 12 février. J'ai fait, faut que tu fasses un paiement avant et c'est ça. Ils vont venir l'installer. C'est un technicien qui vient, puis il switch les modems, puis je reçois mon modem par la poste. Puis, et voilà. Et mon coup de 12, j'ai vu ça passer quand je suis arrivé chez nous, à soir. Encore sur Vidéotron, j'aime beaucoup ça les bâcher, comme vous le savez. Vidéotron a annoncé aujourd'hui qu'il sortait le Nexus 4 de Google à un prix de 149$ pour un contrat de 3 ans. Mais si vous voulez acheter le téléphone débarré, ils te le vendent à 500$. Alors que le téléphone est disponible à 350$ canadien sur le magasin Google. Sur le magasin Google. Champion. Okay. C'est assez écœurant, là. Je m'excuse, là. Mais le pire là-dedans, c'est que si le monde ne s'informe pas, ils vont se faire pogner. Là. Tu vois, ouais, ils vont... C'est parce que la plupart des gens vont l'acheter à contrat. Ben c'est ça. Mais sauf que même encore, 150$, c'est trop cher, même à contrat. Pourquoi ils vendent Nexus 4, ils le vendent ailleurs à 0$? Non, mais je veux dire, ton Nexus 4, il est 350$ débarré. Oui. Là, ils te le vendent à 150$, mais barré pendant 3 ans. Barré avec le contrat et tout. Tiens, fait que je m'excuse, là, c'est un peu fourré le monde. Là. C'est ça. Fait que je trouve pas ça correct. Là, je veux dire, ouais, c'est ça, c'est le pouvoir infini du câble. Là. Jean-Michel aussi, il est de mon bord. T'sais. Mais tu sais, c'est ça, fait que vous l'achetez à 350. Jean-Michel, il est en ligne pour attendre après des iPhones, puis quand le gars de TVA arrive, il prend sa caméra, il a pitch à terre, puis il le regarde dans les yeux, il fait quoi? Quoi? Okay. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que non, c'est ça, fait que si tu l'ajoutes sur le Google, là, sur le magasin Google à 350$, là, tu peux le faire activer chez Vidéotron, là. Mm-hmm. Il ne coûtera pas une maudite scène ton activation, là. Fait que c'est ça. C'est juste ça, mon coup de dos. C'est encore du... Je sais pas comment dire le nom, là, mais c'est pas fort. Vous autres, avez-vous des coups de dos? Moi, tu n'as-tu, toi? Coup de dos, pour ma part, je vais donner ça, je pense, The Following, une nouvelle série avec Kevin Bacon. Tout est meilleur avec du bacon. Donc, c'est une nouvelle série. Vous pouvez regarder ça. C'est à propos de... Alors, j'écoute le nouvel épisode. C'est un policier c'est un policier qui a couru après un tueur en série. Et le tueur en série s'est sauvé. Pendant qu'il était en prison, il avait accès à un ordinateur. Et à partir de là, il a réussi à manipuler des gens puis à les rentrer dans une espèce de culte. Il leur a montré comment devenir eux-mêmes tueurs en série. Fait qu'il a comme créé des clones de lui-même. Puis le seul qui peut courir après, c'est Kevin Bacon, parce que c'est lui qui l'a arrêté. Mais quand il l'a arrêté, il a comme reçu un coup de gun, puis il s'est fait poser un pacemaker. Fait qu'il peut pas courir longtemps. Il est comme c'est pas Jack Bauer, c'est comme le contraire de Jack Bauer. OK, lui, il mange, puis il va aux toilettes, puis c'est ça? C'est ça. Il est correct, là, mais il monte des escaliers, puis okay. Ça va pas super bien. Ça, ce serait mon coup de dose. C'est une série que je vais suivre. Le premier épisode a eu lieu la semaine passée. Mon coup de dose va aller à... je sais que Maxime Tremblay va embarquer avec moi là-dessus. Cette semaine, ils en ont parlé un petit peu plus, mais d'abord, je vais faire une petite introduction. Pour moi, la culture geek, c'est une culture de passionnés. C'est des gens qui trippent sur de l'informatique, c'est des gens qui trippent sur du manga, qui trippent sur de la bande dessinée, ils peuvent tripper sur des séries télé, des vieilles séries télé, un paquet de trucs comme ça. C'est ce qu'on appelait de la contre-culture, mais qui maintenant est de la culture populaire. Et moi, je trouve qu'on est 20%, grosso modo, de geeks, de gens qui sont intéressés par la technologie, ces choses-là, et qu'on a une job puis une espèce de devoir de tirer le 80% qu'ils ne sont pas, qui sont technouilles, de notre côté. Puis, quand j'entends du monde comme dénigrer cette culture-là en disant que, bon, c'est juste pour les adolescents qui sont dans leur cave, ça ça m'écœure un peu, ça vient un peu. Tu sais, je suis en train, moi, de faire une business de ça. Et il y a un annonceur qui est Honda, pour ne pas le nommer, qui fait une publicité qui roule en ce moment. Ils ont une série de pubs. Et cette série de pubs-là, il y en a une où est-ce qu'ils veulent expliquer, en fait, un espèce de système, c'est quoi les lumières vertes qu'il y a sur ton dash. Puis là, le gars, il dit, bien, les lumières vertes, c'est si je suis pas en train de rouler trop vite puis brûler du carburant, la lumière est verte. Puis si je passe au rouge pour me dire, tu gaspilles du carburant. Fait que le gars, il fait un statement un peu écolo. Puis l'autre gars à côté, il traite de têteux. Puis il répond en disant, c'est pas moi qui lis des bandes dessinées. Puis le gars, il se défend un peu en disant, non, non, pas des bandes dessinées, des romans graphiques. Puis l'autre, il dit, c'est pour les enfants, ça. Puis de la manière qu'il dit, là, c'est condescendant. Ah oui, total. Tu sais, c'est dégueulasse, OK? Puis ça touche... Ben là, c'est dégueulasse. Écoute, c'est pas si dégueulasse que ça, là, on s'entend? Ah oui. Non, c'est... Oui. C'est... Regarde, là. Je l'ai écouté, là, puis on s'entend, là, c'est pas du gore qui, ou je sais pas trop, là. C'est condescendant. C'est condescendant, c'est, oui. On est, en 2000, on est en 2013, il devrait plus avoir ça. OK? Elle devrait être respectée, cette culture-là, que ce soit les bandes dessinées, que ce soit... Mais, tu sais, ça aurait pu être tout à fait autre chose. C'est juste comme... Exactement. Dans le chat, on le dit, on parle de manque de respect. Puis, Honda vient de sortir leur nouvel... le nouveau véhicule, là, pas la Civic, là, mais deux autres nouveaux, ici, avec le petit piton Siri. Puis, non, je pense que je suis revenu. Je suis revenu? Oui. OK. Puis avec le petit bouton Siri, puis c'est pas le roto que je vais essayer pour ce petit bouton-là. Une Honda, si j'allais m'en acheter une, je m'en achèterais pas une. Manger de la chenoute. Voilà, c'est mon coup de dose. Bon. Ben, moi, j'aime la version des Mystérieux Étonnants avec... ben, je le dirais pas, mais allez l'écouter là, quand après le show. Là, je la trouve assez bonne dans le dernier podcast. C'est malade. Kudos aussi tient au gars de Fun Jouer Jeu qui, cette semaine, ont fait une inception de podcast. Les gars ont fait leur podcast lundi soir, puis ils ont téléphoné à Denis Talbot pendant le show pour dire « Hey, salut, c'est Fun Jouer Jeu, on a t'es dit qu'on allait vous appeler. » J'ai trouvé ça salement drôle. C'était vers la fin, ça? De leur podcast, je pense. Ah, parce que ça, je l'ai pas écouté. C'était drôle en tabarouette. J'ai écouté juste les 50 premières minutes, mais il a fallu que je quitte après, fait que je vais l'écouter en podcast tantôt. Ouais, c'est drôle. Il y avait pas d'invité, donc ils ont appelé, puis ils se sont appelé, comme posé des questions. Et là, à qui c'est qu'on pourrait avoir comme invité de marque? On va avoir l'équipe de Denis Talbot grand complet. Là, il téléphone, il prend des appels pendant le show, puis il fait... « Salut, c'est quoi ton nom? D'où tu viens? On a un T-shirt pour toi. » Il dit « Salut, c'est Joël Martel. T'es ta fun jouer le jeu. » Puis là, « Hein? » En tout cas, ils se sont niaisés. Là, OK. C'est très drôle. Bon! Voilà. Toi, coup de 12, Vincent? Moi, j'en ai une. Mais en fait, c'est plus... j'ai découvert les API de Dropbox et de Google Drive. C'est ma partie développeur, là, kudos, mais j'ai vraiment apprécié comment c'est fait. C'est très bien fait, là, les différentes API. Je suis en train de travailler sur un projet, je peux pas en parler pour l'instant, mais dans les prochains mois, ça se peut que vous en entendez parler. Puis ça inclut justement des compagnies comme Dropbox ou Google Drive. Puis c'est ça, c'est une application iOS, mais j'ai trouvé ça vraiment pratique, les API. Donc, c'était un plus un coup d'os pour dire que Dropbox et Google Drive, ils ont très bien fait leur job là, pour C'est assez API. Facile? Oui, c'est très bien fait. C'est très, okay. Assez facile. Puis il n'y a pas trop... les frameworks sont très simples à implémenter aussi. Okay. Donc, il n'y a pas plein de codes où tu te perds vraiment. C'est très clair puis très bien fait. OK. Non, c'est cool. Je les ai pas mis en news, mais Dropbox a fait des annonces aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui va révolutionner le service, mais qui va plutôt l'améliorer, là, faciliter d'envoyer des liens, quelque chose pour les photos aussi, si je me trompe pas. Fait que ça risque création même d'albums, je pense, sur Dropbox. Fait que ça peut être assez intéressant. C'est un des services, là, ça, puis FTTT, If This Then That, c'est pas mal les deux. les deux services que je trouve excellents. Ouais. En tout cas, de ma dernière année, là, disons 2012. D'ailleurs, avez-vous essayé, ou est-ce que vous êtes inscrit à Meta ou... Mega. Mega. Ouais. Ouais. J'ai essayé d'uploader quelque chose, ça n'a pas marché. Je suis retourné, ça a marché. Mais sinon, je vois pas... le gars est en poursuite judiciaire, là, gaspiller ma bande passante pour uploader je sais pas quoi exactement là-bas. Mm. Tu sais, si le site est fermé dans 6 mois, ça va m'avoir juste pris de la bande passante. C'est ça. Oui, mais c'est un service où ils peuvent pas avoir accès à vos données. Oui, mais ça n'a pas pris de temps qu'une couple de personnes qui ont mis des. Qui ont fait des recherches sur les failles de sécurité, puis il y en a, là, on s'entend. Ah oui. Mais pour venir à la question sur Ethan, avec Ethan, Dropbox, oui, ça a amélioré un peu, mais méga. En upload, là, je vous le dis, là, Dropbox là, se fait manger la laine sur le dos. Là, c'est l'enfer. Là. Ça va plus vite uploader sur Mega. Pardon, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas comment ils font ça. Là. Mais sur Mega, là, en upload, là, j'ai fait un test. Là. C'est le même fichier, je pense que c'était 500 MB. T'sais, j'avais 500 MB, j'avais un gig à perdre. T'sais. Fait que je vais faire un test. Mega et Dropbox. Ça a pris genre la moitié du temps, je pense, sur Mega. Fait que... Un petit truc qui est arrivé à Dropbox aussi, là, je ne sais pas si c'est sur la dernière version, mais ils ont maintenant un système de notification intégré dans l'icône. Je pense que c'est pour la version bêta qui va être disponible bientôt. Ouais. Mais dès que quelqu'un joue avec tes fichiers, tu vas... qu'est-ce qui s'est passé sur ton compte. C'est un feature qui était très attendu. Là, pour. Ouais, c'est la version 1.7.2 que, présentement qui fait ça. Mais il faut que vous allez chercher le bêta pour aller l'avoir, sinon la version normale, elle ne l'a pas encore. Exact. Sinon, pour Mega, qu'est-ce que j'ai lu? Comment ça? Tu vas m'expliquer quelque chose, Vincent? Là? Oui, les fichiers sur Mega sont encryptés. Techniquement, il te faut la clé. Ouais. Puis là, la clé, tu peux la rendre publique. Mm-hmm. J'ai pas assez travaillé. Je l'ai pas vraiment regardé. Je me suis même pas inscrit. Fait que... La clé, tu peux la rendre publique. Puis là, les gens peuvent télécharger la clé, donc avoir accès au fichier. C'est comme ça que je comprends que ça fonctionne. C'est ça. Ouais. Là, il y a des sites qui ont commencé à être des espèces de répertoires de qu'est-ce que tu veux télécharger. Fait qu'il y avait des Django Unchained puis tout le kit. Mais là, il y a des claims qui ont été faits au niveau du copyright pour que des fichiers soient enlevés. Mais là, si tu n'y as pas accès, parce que c'est crypté, pour savoir que le fichier, c'était Django Unchained, il faut que tu l'aies téléchargé. Donc, tu es illégal. T'as un petit peu qu'est-ce que tu veux dire? Là, tu veux dire que... du côté méga, si eux, ils peuvent pas accéder, comment ils peuvent savoir que là, c'est illégal comme fichier? C'est ça que tu es en train de dire? La clé est rendue publique. Il y a comme l'équivalent de je sais pas, là, de Parity Bay, mais pour des fichiers méga qui est sorti. Mm-hmm. Là, il commence à avoir tranquillement du stock là-dessus. Puis là, tu cliques sur un truc qui s'appelle Django Unchained. Puis là, ben, ça te donne la clé publique pour aller le télécharger. Fait que c'est comme le seul moyen de savoir que, tu sais, moi, si j'ai envie là, d'échanger des fichiers avec vous autres, puis que j'ai envie de l'appeler Django Unchained, mais que, tu sais, c'est un texte qui n'a pas rapport, là, le texte du podcast, au lieu de donner le nom de Podcast Mac Québec, je donne le nom de Django Unchained. Mm-hmm. Ben, puis je le mets sur Mega, là. Pour savoir que c'est Django Unchained, t'es obligé de le télécharger, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que t'es illégal, tu sais. Ouais, OK. Ouais. En quelque part, là. Fait que... Ouais, c'est vrai que c'est... Ben, tu sais, ça vient du gars de Mega Upload, là, tu sais, on s'entend. C'est ça. Ça veut dire, moi, j'attendais le jailbreak de Apple TV pour remettre Mega sur mon Apple TV, mais je pense pas, là, mais bon. Mais bon. Gros feature. Ah oui, c'est vrai. Ils sont en train de travailler avec Xbox, le lecteur Xbox, pour remettre Mega dedans, parce que Mega Upload existait dedans. Mm. Tu pouvais avoir accès à tes fichiers. Là. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. À tes fichiers, ouais. Fait que. Bon. Oui. On commence avec les news. Les news. Yes. Excellent. Le iPad a augmenté de prix cette semaine. Oui, ben en fait, ils ont annoncé un iPad de toujours iPad 4e génération, ils n'ont pas changé, mais 128 gigs. Effectivement, en fait, ben, il y a plusieurs questions qui se posent à cause de ça. La première est, qui c'est qui a besoin d'une tablette avec 128 gigs dedans? Ça, c'est la première chose. Je sais qu'il y a des gens qui consomment beaucoup de vidéos. Là, si tu veux avoir la bibliothèque Disney au complet dans ton iPad, transporter ça avec toi, oui, ça peut être intéressant. Par contre, c'est un produit qui est vendu quand même, 899$? 800$ la version Wi-Fi, puis 930$ la LTE. Ça commence à être de l'argent pour une tablette. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, comme les gros consommateurs, comme un bon ami à moi utilise, fait du train beaucoup les fins de semaine pour se rendre à la société d'État. Il consomme beaucoup de contenu, comme tu dis, des films. Mm-hmm. Fait que lui, ce qu'il faisait, c'est que lui avait son 64 gigs de iPad, mais là, il faut qu'il enlève des fichiers, il faut qu'il en remette. C'est beaucoup de fluff. Il faut qu'il gère, c'est ça. Il faut qu'il gère sa tablette. Mais là, avec 128 gigs, pour des personnes comme lui, je trouve ça parfait. Il n'y aura plus besoin de gérer ça. Là. Hey, c'est 128 gigs, c'est pas énorme, là. On est loin du Tera, là. Mais il va avoir bien moins de gérage de fichiers à faire là-dessus. Là, je veux dire, il n'y a pas juste des films. Là, tu peux. Il y a quoi? Non, Action du match, non, ça ne change rien. Il y a des films. Qui prennent beaucoup de place. Il y a des applications. Quand tu commences à prendre un paquet de photos, tu commences à prendre des vidéos pas mal, ça bouffe la place. Le 1080p sur un iPad puis un iPhone, là, m'a dit, le vidéo, quand tu fais une minute, là, est quand même gros quand il sort de là. Effectivement. C'est pas 3 MB. Là. Fait que, même les photos, mettons, si tu y passes ça en panorama, là, tu te pognes un bon 30 MB la photo, ça monte vite aussi. Faut que tu y penses. Une autre question qui est posée avec ce lancement-là, c'est pourquoi pas avoir décalé la gamme vers le bas et éliminer le 16 gig? C'est Maxime qui pose la question, mais c'est vrai. Depuis le Retina, en fait, les applications sont un peu plus lourdes, le contenu, tout ça est plus lourd. Donc, 16 gig, ça commence à être serré. Et en fait, j'en suis le parfait exemple. Moi, j'ai vendu mon iPad 3 16 gig LTE. Et je suis allé m'acheter un 32 gigs non LTE parce que l'appareil, je me rendais compte que c'était pour consommer du contenu puis je n'avais pas vraiment besoin qu'il soit connecté sur Internet. De toute façon, mon iPhone 5 est LTE. Je peux partager la connexion Internet, donc c'est correct. Moi, j'ai une tablette 16 gigs puis je suis bien content. Là, puis il me reste une couple de gigs de libre puis j'en aurais pas besoin de 32 gigs à moins que je l'utilise comme produit principal, mais je l'utilise pas comme produit principal. C'est juste une tablette que je peux prendre. C'est ça. Puis, quand elle traîne, puis quand je ne me tente pas de prendre mon ordi, mais donc là, je pourrais mettre des films puis les écouter, sauf que là, j'ai mon ordi puis ça fait très bien le job. Un autre des trucs intéressants, c'est que l'upgrade de 64 à 128 est de 100$. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, ça devient un petit peu bizarre, c'est-à-dire que chaque saut du 16 au 32, du 32 au 64 et du 64 au 128 coûte 100$. Ouais. Fait que soit qu'ils te donnent 64 gigs pour pas cher, ou soit qu'ils te donnent 16 gigs pour très, très cher. Là, ben, c'est ça. C'est ça, parce que je veux dire, franchement, quand t'es rendu, comme tu dis, à 100$ de décalage entre les versions de gigs, ton 16 gigs à la fin, là, je m'excuse, là, mais il revient cher en Christ. Là. Ça devrait être 25, 50, 75 puis 100$. Ça pourrait-tu être possible qu'ils décalent tous les produits, un peu comme Maxime dit, d'enlever le 16, mais de mettre tous les produits, genre le 32 devient le prix du 16, le 64 devient le prix du 32, puis là, le 128 devient le prix du 64? Probablement. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez voir dans beaucoup d'articles, ils disent « ça n'est jamais arrivé, blablabla bla, ». Bla. La journée avant que l'iPad soit annoncé, là, il y avait les rumeurs à cause de iOS 6.1. Puis un gros article d'un crétin de CNET qui a écrit les rumeurs, laissez faire ça. Apple n'a jamais sorti d'appareil comme pour augmenter le poids de la mémoire dedans. C'est pas vrai, ils l'ont fait deux fois. Ils l'ont fait pour le premier iPhone. Pour l'iPhone 3G, si je ne me trompe pas, puis ils l'ont fait pour un iPod Touch à un moment donné. Fait que ça ne les dérange pas. D'après moi, ils ont sorti la tablette juste pour faire chier Surface qui sortait cette semaine. Comme juste faire, ah, t'auras pas toute la couverture parce qu'ils vont parler d'un iPad 128. Fait que, cloc, on sort ça. Puis, ils ont pas changé les trucs. D'après moi, à la prochaine mise à jour des iPads, soit iPad, ben en fait, il va s'appeler le nouveau iPad. Ouais. Ils vont faire 32, 64 et 128, puis ils vont décaler de 100$. Non, c'est parce que c'est ridicule, là. C'est ce qui rend cher, là, le gig, là. Ouh. Mais pour venir dans le chat avec Ethan, non, iTunes Match ne prend pas les films téléchargés. Parce que ce que je disais, les films que tu peux regarder dans ta tablette, il y a certains logiciels qui te permettent, si tu as les anciennes versions de VLC qui est sorti, qui devrait ressortir, que j'ai vu passer. Ah ouais? Oui, j'ai vu passer ça cette semaine ou la semaine passée. Là, ils vont réarranger le EULA, oui, pour avoir accès, avec l'autre version de VLC, même Plex ou je sais pas trop, tu pouvais écouter tes films AVI, là. Fait que c'est pour ça que c'est pour ça que la personne se dit un 64 gigs c'était pas assez pour lui, là. Fait que c'est ça. Mais vous autres, mettons, là, vous aviez de l'argent, est-ce que vous l'achèteriez, vous autres, la version 128 gigs? Non. Si j'avais de l'argent, je me ferais. Oui, j'achèterais un iPad 128 gig, puis je me partirais un zoo avec des dinosaures dedans, là, mais. Tu sais, il est quand même relativement dispendieux, puis bon, ça dépend à quoi tu utilises ton truc. Moi, j'ai l'impression que tu peux aller soit avec le 128 gig si tu as besoin de beaucoup, beaucoup de data avec toi, mais tu n'es pas nécessairement bien connecté sur Internet. Alors que tu peux très bien aller avec un 32 ou un 64 avec le LTE. Puis c'est comme ça que tu vas chercher, comme tu sais, tu uploads tes photos, tu vas chercher de la musique via le LTE branché. Tu n'as pas besoin d'autant que ça, peut-être sur la tablette, si tu as une bonne connexion Internet. Mm-hmm. Voilà. C'est ce qui a fait à cette annonce-là. Cette discussion. Oui. Apple est tombé au 21e rang des entreprises considérées comme les plus respectables de la vie privée. Mm-hmm. Ah oui. En même temps, un sondage où American Express en premier, Microsoft. Et premier. Microsoft 17e, puis AT&T 19e. Je ne suis pas sûr que c'est considéré comme scientifique. Le fait, en fait, c'est que cette nouvelle-là, bon, c'est... À chaque fois que Apple perd des plumes de ce temps-ci, le monde aime ça taper dessus. Mm-hmm. Apple est quand même 21e au monde, donc ils sont sortis du top 20, parce que c'est le top 20 qui sort. C'est ça. Microsoft, bizarrement, est rentré dans le top 20. Mais comme c'est au niveau du respect de la vie privée, c'est la perception des gens. C'est un sondage qui a été fait auprès de 6000 quelques Américains. Et c'est la perception des gens. Puis on sait, là, en début d'année, il y a eu quand même quelques petits scandales au niveau d'Apple à cause, entre autres, des applications comme Path qui envoyait votre carnet d'adresse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Là. Ouais. Path qui envoyait votre carnet d'adresse, tout ça, aux développeurs. Donc, à ce moment-là, il y a eu une petite secousse au niveau d'Apple. C'est pour ça qu'ils sont là. Probablement que l'année prochaine, ils vont revenir dedans parce qu'ils ont pris beaucoup, beaucoup d'initiatives pour enrayer ces problèmes-là au niveau de la vie privée, au niveau des contacts, entre autres. Weight Watcher est dans le top 20. Oui. Je ne vais pas dire la sœur de la personne, c'est quoi? Je ne sais pas exactement, là, mais les gens les trustent. Ils trustent la compagnie. Ah ben, coudonc. OK. Voilà. Prochaine news? Vincent? Vas-y, Jeff. Apple ajoute une usine américaine à Quanta à la liste de ses fournisseurs. Le 23 janvier passé, ils ont fait le conference call pour les résultats financiers. Uh-huh. Et ils mettent... Oui, exactement. Et ils mettent à jour, en fait, à ce moment-là, la liste de leurs fournisseurs. Je pense qu'ils sont obligés de les donner, là, comme on achète les processeurs à telle place, on achète tel morceau à Samsung, mais de moins en moins. Et ils font affaire de plus en plus avec la compagnie Quanta. Et il y a une volonté d'Apple, parce qu'on sait que l'économie américaine ne va pas très bien, il y a quand même une volonté d'Apple d'investir, de mettre de l'argent. De toute façon, on le sait, ils en ont pour savoir quoi en faire. Mm. Donc, d'investir, d'avoir une usine aux États-Unis où est-ce qu'ils pourraient faire du montage d'ordinateurs, d'aller un peu plus loin. Là, ils ont quand même quelques petits centres, là, s'ils veulent faire des ordinateurs, de le faire. Mais l'usine Quanta serait en mesure de fabriquer pas mal de trucs et par le fait même de faire travailler des Américains. Donc, ce qui est une bonne nouvelle pour eux autres. Ouais. Mais c'est bien, moi, je trouve qu'ils sont pas obligés d'aller en Chine ou whatever. C'est comme nous autres, sites, là, avec notre plan Nord, là, ils investissent au Québec. Bien, ce qu'il faut savoir, je vais donner un exemple, en fait. Le défunt, parce qu'on a appris qu'il retirait complètement... De la production cette semaine, mais le Nexus Q, qui est cette espèce de boule avec... Il y avait un speaker là-dedans. C'était bizarre comme appareil. Mm-hmm. Je ne sais pas exactement à quoi ça servait, mais ça se voulait une espèce de concurrent du Apple TV. C'est un appareil de streaming dans la maison, mais construit 100% ici. Oui, c'est ça. C'était construit aux États-Unis et ils vendaient 400 $. Fait que, tu sais, puis Google habituellement fait des produits puis les vend à un prix qui est considéré comme plus raisonnable, disons, qu'Apple. Donc là, de voir le Nexus Q versus le Apple TV qui est 100 $, c'est sûr que c'est pas la même puissance. Il y avait un bon haut-parleur dedans. Il y avait quelques trucs supplémentaires dans le Nexus Q, mais il y avait un pourcentage là, de ce prix premium-là qui était probablement dû à sa fabrication aux États-Unis. Fait que, puis c'est plus en Chine hein, qui fabrique, c'est au Vietnam. Ils sont tout en train de switcher là. La Chine, ils commencent à avoir une classe moyenne, ils commencent à avoir des riches en Chine. Donc, les lois sont tranquillement en train de changer au niveau de la loi du travail. Ça commence à être de plus en plus difficile. Les travailleurs, en fait, se plaignent de plus en plus d'avoir des conditions raisonnables. Fait qu'à la place de dealer avec ça, puis ben, bon, augmenter un petit peu les prix, ils vont aller décrisser le territoire vietnamien à la place. Oui, c'est ça. On a une question dans le chat. Le BlackBerry 10 va-t-il devenir un concurrent sérieux au iPhone, selon vous? Non. Ben oui, il va même le détrôner, moi, je suis sûr. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, non? Parce que RIM... parce que BlackBerry, maintenant, RIM n'existe plus. C'est Viva BlackBerry. Hey, ça avait l'air intense, là, ton point laser. Non, c'est ça. Ils sont arrivés trop tard, je m'excuse, là. Mais les compagnies ont... ceux qui utilisaient des BlackBerry, il y en a encore des qui ne jurent que par leur BlackBerry Curve 9300. Mais, en tout cas, non, mais c'est ça, ils sont arrivés trop tard et les compagnies ont déjà fait le switch à des téléphones Android ou iPhone, plus iPhone. On a vu des nouvelles au cours des derniers mois, là, des pans complets là, de soit des départements américains, gouvernement américain ou des trucs comme ça, qui sont passés. Là, tu voyais des commandes de 144 000 iPhones. Ben oui. Comme ça, c'était assez intense. T'sais, OK, c'est super le fun qu'ils soient revenus, mais le monde pensait tellement pas qu'ils reviendraient, mais pas en force. Là, je veux dire, ça a pris du temps avant de remplir la salle de conférence à matin. mais revenir autant que ça, le monde n'y croyait pas. Même moi, je ne croyais pas. Je dirais, mais si, ça va finir en 2013 là, ou 2012, même moi, j'étais en camouille. Mais. Ils vont continuer. Je veux dire, ils vont pas disparaître du jour au lendemain, mais éventuellement, je pense pas qu'il y a ce qu'il faut dans cette compagnie-là pour innover puis rester. Ben non. En avant, là. Ça va rester un marché de niche. Hein. Ben oui, c'est sûr, parce que là, les compagnies ont déjà tout investi dans des nouveaux iPhones. Ils réinvestiront pas dans le Q10 ou dans l'autre, là. C'est quoi, là? Le Z10. Le Z10. Ils réinvestiront pas dans d'autres téléphones qu'ils viennent d'acheter pour leurs employés, là. C'est pas vrai, là. T'sais, fait qu'ils ont perdu beaucoup de parts de marché, mais non, Apple n'ont pas à craindre. Apple, par exemple, ce qu'ils ont à craindre, c'est les services que BlackBerry offre avec leur nouveau système d'exploitation, le BlackBerry 10. Mm-hmm. Par exemple, certains features que Apple devrait prendre exemple. À BlackBerry Messenger, ils ont rajouté de la vidéoconférence. Tant qu'à moi, ça s'appelle FaceTime, puis iMessage, là. Mais ouais, mais sauf que ça, par exemple, ça, c'est le fun, par exemple, c'est que ça passe dans BlackBerry Messenger. Apple pourrait faire la même chose aussi. Tu sais, le faire passer par message, leur FaceTime. Bien, la raison pourquoi ça passe par BlackBerry, par les serveurs de BlackBerry, c'est pour la confidentialité puis la sécurité. Mm-hmm. Mais ça ne passe que par leur serveur à eux, puis c'est une compagnie canadienne. Fait que il y a du monde qui ont comme de la misère avec ça. Puis on le sait, en fait, on l'a vu, BlackBerry s'est fait influencer par du politique. Ils ont fermé le service à certains endroits. Ils ont fourni des logs pour d'autres endroits. Fait que c'est pas si hot que les gens le pensaient. Non, c'est ça. Bon, mais c'était le petit segment BlackBerry pour la journée. Prochaine nouvelle. L'App Store génère 3,5 fois les revenus du Google Play Store. C'est beaucoup? Oui, effectivement. Ben, en fait, l'augmentation est moins marquée. C'est sûr que quand tu es à ces niveaux-là de téléchargement d'applications, là, à un moment donné, c'est parce que faut que tu ailles de plus en plus de monde. Puis, écoute, j'en télécharge beaucoup des applications, mais puis dernièrement, c'est des applications beaucoup pour les enfants, des petits jeux, des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais écoute, tout ce qu'il y a eu à faire a été fait. Tu sais, on va en parler un petit peu plus tard là, de quelques applications nouvelles. Tu sais, de temps en temps, il y a un truc qui sort, puis on en parle, mais il y a moins de buzz au niveau des applications. Avant, c'était chaque semaine, tu sais, qu'il y avait un truc de nouveau. Donc, les applications sont vendues 3,5 fois. Puis ça va un petit peu avec une autre nouvelle. On a appris cette semaine que les gens qui avaient des iPhones étaient les utilisateurs de mobile qui avaient les factures les plus élevées. Fait que, tu sais, quand tu as plus d'applications, quand tu utilises plus ton Internet, c'est sûr que ta facture va être plus élevée parce que tu as tendance à faire... Puis c'est drôle, le BlackBerry dont on parlait il y a une couple de secondes, le CEO, il disait, nous autres, on veut transformer le mobile, je me souviens plus c'est quoi le terme qu'il utilisait, mais en mobile phone and mobile computing. Puis il essayait d'expliquer c'était quoi la différence. Tu sais, l'utilisation puis toute la puissance d'un ordinateur mis dans un appareil mobile. Le noter tout ça, mais tu sais, fait oui. Moi, je trouve qu'il y a deux gros éléments qu'il faut prendre en considération qu'Apple fait plus d'argent avec ça. Premièrement, le Google Play Store, il y a beaucoup d'applications qui sont gratuites, sur iOS, ils sont payantes. Mm-hmm. Je donne par exemple Angry Bird, par exemple. Je pense que c'est un très bon exemple. Mm-hmm. Puis aussi, au niveau du revenu, où Apple prend 30%, puis Google, le Google Play Store prend moins, me semble. Donc, je pense que c'est quelque chose comme 10% ou je ne me rappelle pas par cœur. Fait que juste ces deux gros éléments-là, c'est sûr que ça permet que le App Store, en fait, reçoit plus de revenus. Là. Puis surtout que ça fait un bout de temps que les personnes sont sur la plateforme. Moi, si j'ai un iPhone puis j'ai acheté pour 1000 pièces d'application, par exemple, ben, ça ne me tenterait pas d'aller sur Android pour perdre ce 1000 pièces-là. Clairement pas. Mais la plateforme, en fait, le Google Store a un taux d'augmentation qui est plus élevé. Il faut quand même leur donner ça. C'est-à-dire qu'ils ont, vraiment la drive en ce moment. C'est eux qui, corps après corps, l'augmentation est le plus, une plus grande fluctuation, en fait. Oui. Voilà. Pendant que tu lis, on a une question. Oui. Ouais, seulement les questions sont réservées pour le Land, mais là, les gens, on fera pas nos crétins à pas répondre aux questions parce qu'il y a des nouveaux qui veulent nous écouter, on va leur répondre. Mais habituellement, on essaie de concentrer les questions dans les amateurs de Mac. Bonsoir. Donc, Ethan Bonamour qui nous dit « J'ai une question qui me turlupine. » J'aime bien le mot « turlupine ». Au travers de toutes les versions iOS et innovations que nous avons eues, la vidéophonie, d'après vous, s'est-elle vraiment développée? Avez-vous la facilité FaceTime, Skype ou avez-vous encore le réflexe de téléphoner? Moi, pour ma part, à Noël, j'ai acheté un iPad mini à ma blonde, LTE, et je lui ai mis en fait un forfait dessus. Puis elle, je la FaceTime, Je FaceTime beaucoup ma mère pour lui montrer ses petits-enfants. Avec des clients, je continue à téléphoner, mais habituellement avec les personnes proches de moi, Jean-François ou Vincent, souvent on va passer par FaceTime. Puis j'aime beaucoup plus FaceTime que Skype parce que je ne suis pas obligé de laisser Skype ouvert pour recevoir un appel, vu que c'est built-in dans le système d'exploitation. C'est ça. Ben, on appelle, ça sonne comme un téléphone, puis je réponds à ça. Le son est meilleur en plus. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Le son est meilleur sur FaceTime que sur Skype. Là. Mm-hmm. On va revenir sur côté juridique entre Apple et Samsung. La Cour a dit à Apple qu'elle n'obtiendra pas plus que le 1 milliard qu'elle a gagné contre Samsung. Ben, en fait, ça dure depuis longtemps, cette histoire-là. C'est vieux, là. C'est cave des deux côtés. Là. C'est vraiment une histoire de OK, il faut faire vivre notre service judiciaire, notre service juridique. Fait que, tu sais, poursuivez pour tout et n'importe quoi. Et puis, on le sait, Apple avait gagné quand même le fait que Samsung avait enfreint ses brevets et avait reçu, en fait, l'amende la plus. Jamais avoir été faite dans ce genre de procès-là, c'est-à-dire 1 milliard de dollars qu'il allait avoir à payer. Et Apple voulait être un peu plus greedy, puis on dit ah non, mais ils ont vraiment voulu être evil, fait qu'ils doivent payer encore plus. Puis la juge là-dedans qui a l'air assez solide, là, tu sais, puis qui leur dit là, hey, pourquoi vous n'allez pas vous asseoir à la table, puis vous discutez pas, puis le kit. J'aime son nom. Lucy Cool? Juicy Co. Juicy Co? Co. K-O-H. OK. Je trouve qu'à chaque fois que j'entends ça, ça me fait penser à Star Trek. Une espèce de commandant chinois, là. Mais ça. À chaque fois, mais bon. OK. C'est quelque chose de geek. Puis c'est ça. Puis elle a dit, écoutez, ils n'ont pas fait ça. Comment s'exprimer? Ils l'ont pas fait de façon malsaine, tu sais. Ils n'ont pas voulu faire ça de... En tout cas, tu sais, c'était comme... Elle prétend que c'est dans l'air du temps que les téléphones sont rendus à avoir l'air de ça. Par contre, partout, ou en fait, même la preuve que Apple a utilisée, c'est de montrer les téléphones qui étaient fabriqués, ce qu'ils appellent les smartphones, avant et après le iPhone. Tous les téléphones sont pareils que l'iPhone après que l'iPhone soit sorti, tu sais. Mm-hmm. En tout cas, moi, il y a quelqu'un qui va être obligé de se lever de bonne heure pour essayer de me convaincre que le iPhone d'Apple sorti en 2006 n'est pas une révolution au niveau des téléphones puis des appareils mobiles. Tu sais, peut-être que de version en version, ce n'est pas autant une révolution qu'Apple le prétend, mais ils le prétendent plus de toute façon. Non. Ils disent plus à chaque fois c'est une révolution. Ils vont dire ce features là. On est les premiers à l'avoir. Le Retina, il disait pas Evolution. En tout cas, ouais. Il y avait comme un truc spécial, mais c'était vraiment au niveau de l'écran. Et effectivement, c'était les premiers à en mettre un de cette qualité-là sur le marché. T'sais. Puis ça allait de soi de mettre un écran de meilleure qualité. Mm-hmm. Donc voilà, la juge, en fait, qui a très bien fait. Selon moi, Apple va recevoir son milliard de dollars. Ils vont le stacker avec le 150 qu'ils ont déjà. Samsung va perdre 1 milliard, mais en même temps, ils vont s'être payés la deuxième place ou même la première place, là, selon les chiffres qu'on regarde au niveau des fournisseurs. Donc, je pense que c'est un bon move de la part de Samsung. Tu sais, si, bon, si t'as pas l'imagination de créer des nouveaux téléphones, ben va les aider des autres, paye. Pis, c'est ça. Ça me tient. bon, next. Qu'est-ce que vous allez faire, vous autres, dimanche? J'ai prié toute la journée, moi. Ah ouais, toi, c'est le jour du Seigneur. Ben, c'est le jour du Seigneur? Mais ben, pas moi. Moi, j'ai un ordinateur sur iFilm, si ça existe encore. Ça n'existe plus. Ça existe. Je vais sur YouTube. Ouais, je vais regarder les publicités du Super Bowl en mangeant des ailes de poulet et des nachos. Ah bon. C'est Super Bowl, en fait. Dimanche? Oui, c'est Super Bowl dimanche. Mais okay. Ben, moi, je vais être en train de jailbreaker mon téléphone. Mais faut pas que tu parles de ça, man. Tu feras plus partie de la communauté. Ouais, je sais, mais fuck off. Fait que j'ai le droit de parler ce que je veux. Fait que, fait que vous savez que j'aime ça côté job break. De toute façon, en fait, le jailbreak, puis il y a eu quelques nouvelles cette semaine. D'abord, le jailbreak est rendu illégal aux États-Unis. Ben oui. Tu peux te retrouver avec... 500 000 ou 5 ans de prison, là, solide, là, tu sais, quelque chose de... Mais c'est pas applicable au Canada, là, tu sais. Non, non. On l'a pas ici, donc c'est encore jailbreakable. Deuxième... Ouais, c'est... Excuse, ouais, c'est... Non, non, excuse, c'est ça. C'est pas le jailbreak, c'est le unlock qui est rendu illégal. Ah, c'est le désimlockage. Ouais. OK. Donc, le jailbreaker est correct. On sait qu'Installus a fermé ses portes il y a quand même quelques mois, qui était l'espèce de plateforme qui permettait de télécharger illégalement. Illégalement dans le sens où si tu télécharges une application qui est payante puis tu ne l'as pas payée, ben tu l'as volée. C'est ça. Grosso modo. Par contre, le jailbreak, d'après moi, c'est un gros vecteur d'innovation. Et dont Apple, en fait, s'est inspiré, que ce soit pour le Notification Center ou que ce soit, j'espère qu'ils ne se tromperont pas, là, des toggle switch dans iOS 6, là, s'il vous plaît, Apple. Mm-hmm. Tu descends le Notification Center, tu fermes ton Bluetooth, tu fermes ton Wi-Fi. Oui, oui. Mais ça aurait dû être fait très longtemps parce que le MB setting dans le monde du jailbreak, là, hey, ça existe depuis le début. Là. Exactement. C'est comme Allo. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que c'est long de passer par le maudit settings puis gosser là-dedans. Mais... Effectivement. Mais ça donc il y a des nouveautés, il y a des améliorations du téléphone, la façon de l'utiliser, tout ça. Tu rajoutes des gestes, tu peux rajouter des fonctions, boutons de volume. Tu cliques sur ton home button, ça fait quelque chose. Donc c'est toujours intéressant. Puis Apple s'en inspire en fait. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose que cette scène-là continue d'exister. J'ai bien hâte de voir. Les gars améliorent leurs produits à chaque fois. Puis comme j'ai lu sur un blog, peut-être pas télécharger la toute première version, parce que souvent, au bout de 2-3 jours, il y a des nouvelles versions qui sortent des outils pour jailbreaking. Ouais, mais ça, c'est pas grave, ça. Non? Non, si mettons, ils sortent la première version dimanche, là, puis il y a une mise à jour deux jours après, la version 1.01, tu as juste à leur passer par-dessus, puis ça va régler les problèmes. Ça a toujours été comme ça. J'ai fait mes demandes pour faire du bêta testing. J'attends toujours la réponse. Je vais demander à un très bon ami. Je vais voir ce qu'il peut faire. Moi, ce que j'ai hâte de voir, en fait, parce que tout le monde a décidé de gueuler en même temps. Peut-être que la première année du iPhone, où ça fait 6 mois qu'on a notre iPhone 5, ou que les gens ont renouvelé, mais on a eu beaucoup de rapports des batteries qui se vident très, très rapidement dans les iPhones. Puis les gens nous disent que c'est à cause du iOS 6.1 qui est sorti hier. C'est pas vrai. Ça fait déjà quelques semaines ou quelques jours, du moins, que les batteries semblent se vider très rapidement. Ouais. J'ai plein de monde qui m'ont écrit pour ça. Oh, mais ça, c'est pas nouveau. Là. À chaque version, là, le monde chiale. Ah, oh, ma batterie se vide. Ah, oh, mon Wi-Fi marche pas. Oui, bien, une des choses qui tire le plus, c'est quand tu actives, en fait, les notifications puis les applications qui te suivent, là, qui savent où est-ce que tu es. Ah, le GPS, c'est mortel. Là. Exactement. C'est mortel, ça. Il faut diminuer la quantité d'applications. Puis on dirait qu'en dessous d'un certain seuil, ils en acceptent quelques-unes, mais dès que tu en dépasses comme 4-5, ils commencent à bouffer ta batterie. Bon, ben ça va être dimanche, fait que j'ai bien hâte de voir. Je vais me mettre sur les intertubes assez de bonne heure. Normalement, ça sort vers les 1h, comme à Apple. Ils font la même affaire qu'à Apple. Ils sortent vers les 1h de l'après-midi. La page, si ça vous intéresse, ouais, c'est evasion.com. Et le O de evasion est remplacé par un 0. Oui, c'est évasion. Ben, évasion. Très beau le site en passant. Oui, quand même joli. Ouais. Chronique de Vincent? C'est la chronique à Vincent. La chronique. C'est comme un filler. Il veut comme remplacer ça par c'est la chronique à Vincent. La chronique à Vincent. C'est pourri comme jingle. Ouais. Pourri. Bon, tu nous as préparé quelque chose au niveau développement? Oui, en fait, premièrement, je voulais commencer par un résumé du release note de iOS 6.1, mais version un peu plus développeur, donc c'est une chronique développeur, j'imagine vous voyez le principe. Donc, je vais parler de certains éléments. J'essaie de faire ça le plus simple possible, là, parce que des fois, ça peut être mélangeant pour quelqu'un qui connaît pas trop le développement. J'ai 4 ou 5 éléments à parler. Donc, je vais commencer avec le Core Image. Le Core Image, c'est un framework, donc une espèce d'API dans le téléphone en tant que tel qui permet d'appliquer des filtres sur des images puis sur des vidéos. Donc, si quelqu'un se connaît sur les photos, par exemple Photoshop, il y a Gaussian Blur, il y a des tu peux modifier le degré du bruit dans l'image. Puis en fait, Instagram, c'est un super de bon exemple pour montrer comment le Core Image fonctionne. Cette API-là a été modifiée pour ajouter des filtres, pour mieux améliorer aussi le bruit dans l'image. Il y a certaines classes qui ont été ajoutées, certaines textures aussi dans le OpenGL, qui est utilisé pour créer des jeux souvent sur la plateforme. Ça fait longtemps, ça, l'OpenGL, hein? Ça fait un bout de temps, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait un bout de temps, puis ça fait pas si longtemps que ça qu'Apple l'a mieux intégré dans l'iOS. Je pense que c'est à partir de l'iOS 5 qu'il a vraiment implémenté, en tout cas beaucoup mieux, OpenGL. OK. Ensuite, la fameuse partie du clavier que je voulais parler tantôt, c'est un nouveau clavier qui est maintenant supporté par iOS 6.1. C'est un clavier en taille, donc le langage taille, la langue. C'est un clavier à 5 rangées. Puis là, je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi on voudrait un clavier à 5 rangées au lieu de 4 rangées comme ça l'était avant? Puis j'ai fait une méchante recherche. Je passerai pas comme là-dessus pendant 30 secondes. Je vais prendre 2 minutes à en parler. Que la recherche n'avait pas servi à rien. Exactement, oui, c'est ça. Donc, pourquoi je parle de ça? En fait, j'ai fait quelques recherches juste avant l'émission. Puis, le clavier à 4 rangées versus celui à 5 rangées. Celui à 4 rangées est arrivé à iOS 6.0. OK. Donc, l'espèce de polémique, c'est que en taille, la langue, il y a 44 caractères différents dans son alphabet. Au lieu des 26, je crois, là, qu'on a, nous. 26, ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup plus de caractères à présenter. Puis, c'est un peu le problème avant. Donc, quand il y avait 4 rangées dans le clavier. Pardon. Pas une petite gorgée, là. Ouais, non, c'est correct. 3 rangées plus la barre où il y a le space bar en bas, dans le clavier virtuel du iOS 6.1. Les caractères ne pouvaient pas tout afficher, donc c'est un peu le problème de changer de page puis d'avoir d'autres caractères. C'était moins pratique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient de ça. Donc, ils ont ajouté le clavier 5 rangées. Je suis sûr que tout le monde ici, une fois que le show est terminé, ils vont aller télécharger, vont aller activer la fonction 5 clavier dans leur iOS pour la langue taille. Ouais. Donc, en tout cas, moi, je l'ai activé. OK. Mais en fait, c'était plus pour comprendre qu'autre chose. Mm-hmm. La troisième option là, qui a été modifiée, celle qu'on a probablement vue le plus pour les développeurs, tout le moins, c'est le MapKit, qui est le framework pour l'application Map d'Apple. Il y a eu des améliorations qui ont été apportées qui sont intéressantes, dont 3 nouvelles classes qui ont été ajoutées dans le développement. Le MK Local Search, le MK Local Search Request et le MK Local Search Respond, qui en fait, si les personnes qui ont quelques notions en anglais, là, la fonction de recherche locale, des requêtes dans voie de recherche, là, donc vous envoyez une requête pour une recherche et des réponses à cette requête-là. Donc, en gros, là, ce qui va permettre, c'est que une application tierce. Donc, moi, si je développe une application et j'implémente le MapKit à l'intérieur, on va pouvoir utiliser des données qui sont locales. C'est-à-dire, autour de vous, vous allez pouvoir utiliser, je ne sais pas moi si, c'est peut-être un mauvais exemple, mais chez moi, là, la maison en tant que telle, ça pourrait être je pourrais comme le définir comme une place d'attraction, où je pourrais utiliser des adresses qui sont beaucoup plus locales ou des points d'attraction locales et pouvoir les utiliser dans l'application. C'est pas quelque chose que Apple vient de révolutionner, mais c'était pas disponible dans l'application. Puis, donc, OpenStreetMaps, ça existait. Foursquare aussi, tu pouvais en ajouter. Google Places aussi. Mais dans l'application Map en tant que telle, on pouvait pas. Donc, avec une application dite third party, vous allez pouvoir faire des recherches sur des places qui sont beaucoup plus locales dans votre application. Donc, c'est sûr que bon, ça n'améliore pas la qualité ou l'efficacité des trajets où il y a eu l'espèce de grosse polémique. Puis même, M. Cook s'avait excusé là, il y a quelques mois. Mais l'augmentation de la banque de données d'endroits répertoriés sur le map, sur l'application Map, va être améliorée. Donc, éventuellement, on va pouvoir voir l'espèce de petit café au coin où on va pouvoir vraiment améliorer nos recherches pour des endroits beaucoup plus locaux. C'est sûr qu'à Montréal, c'est peut-être moins pratique, mais dans des petits coins perdus ou à Rimouski, ça va peut-être être un peu plus pratique là, hein, pour ça. Le passbook est amélioré aussi. Donc, les billets, c'est juste des changements mineurs, là, tout ce que je parle en ce moment. Des billets d'embarquement, on peut parler par exemple d'avions ou peut-être même des autobus. J'en ai pas vu encore, mais ça pourrait être utile comme ça. Il y a des dates de quand vous avez acheté votre billet, puis l'endroit où vous avez acheté le billet aussi a été ajouté pour comme information. Donc, les développeurs vont pouvoir ajouter ça dans leur pièce d'information, dans leur fichier. C'est pas une application en tant que telle, le Passbook. Donc, c'est pas quelqu'un qui va développer ça, mais c'est du code, je pense que c'est JSON qui est ajouté pour faire des passbooks. Donc, moi, je connais juste il y a deux applications que je connais. Il y a Clout qui l'utilise. Je trouve que ça sert absolument à rien, mais il l'utilise quand même. Et l'application Cineplex, je crois, qui peut être pratique pour votre carte scène aussi. Starbucks aussi, oui. En fait, quand vous ouvrez Passbook, maintenant, il y a un bouton qui vous amène à une section du App Store où est-ce que les applications qui sont supportées dans Passbook sont répertoriées. Oui, il y en a de plus en plus. Moi, là, je le trouve pratique. C'est sûr que Cloud, ça ne sert pas à grand-chose. Là, tu sais ce que tu peux le dire. Là. Mais Cineplex Odeon, c'est, quand tu vas au cinéma, là, c'est une merveille, ça. Là. C'est même un Starbucks. Là, moi, là, j'ai ma carte payée de Starbucks dans mon Passbook. Fait que j'ai plus de carte. Je prends, par exemple, mon téléphone. Merci, bonsoir. Puis je paye mon café, là, si je veux. Là. Fait que c'est ça. Oui, puis moi, je gardais jamais ma carte scène sur moi parce que j'ai plus de cinéma alentour de moi. Mais si j'ai toujours mon iPhone. Fait que si jamais j'allais à Montréal puis j'allais écouter un film, ben, je me dis pas, j'ai oublié ma carte. Je l'ai toujours avec moi. Là. C'est ça. Donc, ouais, c'est quand même assez pratique, Passbook. À part ça, au niveau social, il y a des médias sociaux dans le iOS 6.1. Rapidement, Weibo, qui est une espèce de Twitter, mais pour la Chine, dans les settings de l'application, dans les réglages de l'application, vous pouvez aller activer un clavier chinois. Là. Je sais pas à quoi ça sert vraiment, là, mais ça, j'ai pas passé 15 minutes là-dessus, fait que je fais juste. De toute façon, t'aurais rien compris. Là. Ouais, ben, parce que Weibo, c'est un Twitter qui a été comme accepté par le gouvernement chinois, donc qui est très, très populaire là-bas. Oui, parce que c'est à peu près le seul média social qu'ils ont, tellement que la Chine est fermée. Oui, c'est ça. Donc, les mots carré rouge sont interdits. Ouais, quasiment. Genre, c'est ça. C'est ça. Donc. Mais faut dire au monde que iOS 6.1 qui est sorti cette semaine, il n'y a rien de nouveau. Là. L'utilisateur ne verra rien là, tant que tel. Il n'y a rien, c'est juste des corrections de bugs. En fait, ça va être... Au niveau, je parlais tantôt des filtres. Peut-être vous allez voir une amélioration des filtres, mais encore là, je pense pas. Pour quelqu'un, un développeur peut-être qui va le voir, mais c'est plus côté développeur. Là, ouais, comme un du mortel, lui verra jamais ça de sa sainte vie. Là. C'est ça. Là. Mmh. À moins que vous téléchargez le clavier taille à 5 rangées, là, peut-être. Ouais. Donc, peut-être. Siri est en mesure de te donner. Parce qu'avant, tu lui demandais des films, puis tu sortais, mais vraiment n'importe quoi. Là, il sort vraiment ce qui est proche de toi. OK. Bon, tu vois, c'est parce que moi c'est juste le release note côté développeur, parce que Siri, on peut pas comme avoir d'influence sur ça, malheureusement, comme développeur. Mais Maps, vous allez peut-être voir une différence avec les applications qui vont arriver. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir, mais pas tout de suite, parce que les applications sont pas encore là. Dernière chose, Twitter pour les développeurs. La version iOS 5.0 puis 5.1 dans le simulateur iOS ne fonctionne pas très bien quand vous voulez tweeter avec ça. Donc, on vous conseille d'utiliser iOS 6.1 ou d'utiliser une autre version de iOS 5. Donc, je ne l'ai pas essayé, mais bon, il paraît que c'est un problème sur Lyon, je crois. Donc, c'est ça. Et à part ça, les labels, donc l'espèce de carré où on peut taper du texte dans les applications, ne supporte plus des aliments justifiés et des aliments naturels. Mais ça, c'est juste l'espèce de petit label. Donc, les développeurs, vous n'aurez pas de problème à aligner vos affaires, mais il y a d'autres classes qui ont été ajoutées pour des alignements. Là. Donc, ce serait à voir aussi. On dit dans le chat que le réglage de volume et de l'affichage du titre est modifié sur le lock screen. OK, je savais pas ça. Oui. Ah oui, j'ai pas remarqué. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai les versions, tu sais, que je les roule, fait que oublie ça, là. Ouais, moi aussi. Quand tu cliques sur on passionne le sang en haut. Ouais, c'est ça, parce que moi, ça fait comme genre 6 mois que j'ai ça, là. Fait que vu que j'avais les versions bêta, fait que je m'en rappelais plus, là. Mais ouais, c'est correct. Ouais, c'est vrai, c'est nouveau dans 6.1. Ouais, donc c'est ça. C'était à peu près mon tour d'horizon, là. Bon. Excellent. On va maintenant parler des applications de la semaine. Il y en a quelques-unes qui sont sorties. En premier lieu, en fait, il y a l'application Pebbles, en fait, qui va associer en fait le téléphone avec la montre qui va arriver. L'application est arrivée sur l'App Store, mais il y a seulement 500 montres qui ont été envoyées actuellement. j'ai backé le projet quand même assez rapidement, puis je suis 10183e en attente. Tabarnak! Ouais, ben, il y a 70 000 personnes qui en attendent. Hein? Moi, je l'ai. Toi, t'as ta Pebbles Watch? Non, je l'ai pas. C'est combien la Pebbles? 150, 125? 100, ouais, je pense que c'est 125 livrés au Canada. Si, bon. Fait que, L'application, c'est l'application qui va permettre d'uploader dans la montre, mettons, les watch face, si tu veux changer le look de ta montre, des trucs comme ça. Donc, c'est juste pour contrôler, en fait. OK, fait que tu peux rien faire sur la montre, là. Ça te prend absolument l'application. Non, tu peux faire des trucs sur la montre, t'as un touchscreen. Mais tu peux pas changer les réglages de la montre, c'est ça? Non, t'as besoin. Ben, c'est-à-dire, je sais pas quelle règle. Non, mettons ta montre, OK? Oui. Bon, eux autres, ils t'offrent, OK, ça va avoir l'air un look carré, on va mettre des chiffres, on va faire les aiguilles de telle façon. Mm-hmm. Ça, c'est dedans. Mettons, tu veux en uploader d'autres, ben, tu peux le faire grâce à l'application Pebble. Ah, OK. Donc là, tu vas probablement avoir une espèce de Pebble Store où est-ce que tu peux aller chercher les faces que tu vas uploader dedans. La tienne, excuse. Un des trucs que j'ai trouvé super intéressant cette semaine, les dessins industriels de la montre sont disponibles sur GitHub. Et la raison de ça, c'est que tu peux aller chercher n'importe quel morceau en caveur ou whatever, puis tu vas pouvoir te printer en 3D des bracelets pour ta montre, des docks, des affaires de même. C'est exactement pour ça qu'ils l'ont mis. Fait que j'ai trouvé ça vraiment trippant. Là. Tu sais, les petits cossins de plastique qu'Apple faisait là, pour bien mettre l'angle là, de ton iPhone. Ouais. Faisait ça, tu pourrais te le printer chez vous avec une imprimante 3D. Tu veux, Vincent, il parle encore de ton imprimante 3D. Ouais, j'ai passé. J'ai passé tout de suite. Il y a veut. Mais ça pourrait être quelque chose d'utile, par exemple, des espèces de supports pour iPhone. C'est sûr. C'est sûr que se faire des supports pour iPhone. Mais tu vois, ben, Alexis, la discussion qu'on avait eue pendant le party de Noël de Mac-Québec, je suis quand même pas d'accord avec toi que ça va être plus une révolution qu'Internet. Moi, je continue à dire que oui, ça va être super bien, mais ça battra jamais Internet qui est apparu là. La téléportation peut-être là, ou pouvoir te faire de la bouffe avec des protons là, mais L'imprimante, c'est pas encore rendu là, là pour te faire ta propre bouffe. Là. Ouais, c'est parce que l'imprimante 3D, tu peux la faire de n'importe quelle grandeur. Il y a déjà des prototypes d'imprimantes qui impriment des maisons. En fait, c'est une maison dans laquelle il n'y a pas d'ouverture. Là. Tu mets une couple de produits là-dedans, puis ça te fait des maisons vraiment cool. Là. C'est, on dirait, de l'architecture de Star Wars ou de Krypton ou whatever. Là. Mais c'est des trucs vraiment chouettes. Puis ça fabrique ça super rapidement, sans l'aide d'un être humain. C'est à ce niveau-là que ça risque de révolutionner bien des affaires. La corruption dans la construction, il n'y en aura plus. Il va y avoir des imprimantes 3D. Ah, c'est sûr. On va sauver 3 % fait que, au moins, c'est bon. Non, mais j'ai une question. Vite, on va changer après. Là. T'es 10 183e. Tu penses l'avoir quand, ta montre, à Noël 2013? Je sais pas. Okay. Je sais pas comment, mais ils ont montré plein de palettes. OK. Et des photos. Mais il y a un paquet d'outils sur Internet que tu peux trouver pour justement voir combien tu vas payer de douane quand elle va arriver, combien tièmes t'es en ligne pour l'avoir. Fait qu'hier, il y avait une petite discussion sur Twitter. Il y a une couple de gars sur Twitter qui en ont commandé une, puis ils vont l'avoir. Moi, je suis 25 millième. T'as drôle. OK. Next. Vas-y, JF. Ah ouais, celle-là, là, je me suis amusé cette semaine avec. Là. Ben, en tout cas. L'application Twitter a acheté une compagnie l'année passée qui s'appelle Vine. Une compagnie qui fait des petits clips vidéo de 6 secondes. Et il y a eu une histoire cette semaine alentour que l'application est sortie la semaine passée, c'est ça? Début de semaine. Début de cette semaine ou fin de la semaine passée? Ah non, fin de la semaine passée. Fin de la semaine passée. C'est assez simple comme application. C'est que vous appuyez sur le bouton, vous prenez des photos, vous prenez ça fait du vidéo, 6 secondes max, puis ça fait un petit montage vite. Mais ce qui est arrivé quand que l'application est sortie, c'est qu'il y en a des assez bright qui ont fait des films porno avec ça. On met la technologie la plus évoluée au monde en matière de médias sociaux. Qu'est-ce que vous faites? Montrez votre graine dessus. Ouais, bravo les champions. C'était l'enfer. C'était du n'importe quoi. Je dirais pas ce que j'ai vu là-dessus. Là. Mais filles, gars, whatever. Là, vous, name it, là, ils avaient tout. Là, je veux dire, parce qu'ils n'ont pas mis de filtre. La compagnie n'a pas mis de filtre à son logiciel. Fait que, quand ça a sorti mercredi, je pense, la news, dans la journée même, fin de journée, tu tapais... Mais tu peux pas mettre de filtre, par exemple, GF. Là. Not safe for work. Parce que... Ouais, c'est ça, not safe for work. Ouais, c'est ça. Tu pouvais pas mettre un terme, mettons, sexe, dans le tag. Il va rien te sortir. Mais avant, tu mettais sexe, il va te sortir n'importe quoi. OK, c'est bon. Ils ont bloqué les tags. Mais il y a d'autres moyens. Je les ai trouvés, je les ai cherchés. Il y a d'autres moyens de les revoir, les photos, parce qu'ils sont encore là. Ils les ont pas effacés, par exemple. Ça, c'est un peu cave. Là. Les photos sont encore... pas les photos, les vidéos sont encore là. Fait qu'il y a d'autres moyens de contourner ça pour retourner voir les vidéos. Mais... Je m'excuse, JF. Ouais. Je suis en train de lire Twitter en même temps. Puis il y a John Groomer qui vient de tweeter. Apple a nommé Jonathan Hive Global Lead Singer. C'est comme pour répondre à Alicia Keys. Alicia Keys. Ouais. Nommé directeur créatif. C'est, en tout cas, on reviendra pas là-dessus, là, mais sur les vedettes à propos des produits. Là. Mais pour revenir à Vine, ils ont changé la version, ils l'ont mis pour 17 ans et plus, présentement. Et Tumblr pour iOS qui a été mis à jour dans la soirée a tombé 17 ans et plus aussi. Puis il y a l'application qui ont retiré la semaine passée 500 pixels que les photographes professionnels prenaient des photos, mettaient ça là-dessus. Ils l'ont retiré. Ils ont mis 17 ans aussi parce qu'il y avait des photos pornographiques dessus. Là. C'était très facile à aller voir. Là. C'est parce qu'on sait qu'Apple est pas friand de ces applications-là. Dès qu'ils voient une application qui a de la pornographie, poing, tu t'en vas de là. Ça disparaît assez vite. Fait que c'est ça. Fait que c'était assez. Cette semaine, moi, vous dire qu'il y en a qui ont dû avoir du plaisir en tabarnouche. En même temps, c'est ce que je tweetais cette semaine. T'sais, écouter de la porn sur Vine, c'est l'équivalent d'essayer de se saouler à gueule à coup de shooter de bière. C'est-à-dire que. T'sais, comme, OK, tu à sers, tous les 6 secondes, ouais. T'sais, ben sur oui. 6 secondes, t'as comme. Mais c'est en repeat, par exemple. Là, hein? Ça répète, là, par exemple. Ouais, mais c'est pas grave, Vincent, parce que c'est comme c'est comme une page défilante. Fait que tu fais défiler la page, puis la vidéo part automatiquement. Okay. T'as pas besoin d'appuyer sur play, là. Ouais, c'est ça, quand t'arrives dessus. Quand t'arrives dessus, la vidéo part automatiquement. C'est une boucle. Fait que, t'sais, c'est un mouvement pelvien. Puis ça commence. T'sais, puis c'est. T'as pas de changement de plan ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Fait que, un gif un peu plus animé. Animé, ouais, c'est ça. C'est un gros gif animé. Fait que, bon. Next one, Move. Une application. Ah! C'est une application de podomètre que j'ai téléchargée. Là, on le sait, là, au CES, on a vu là, toutes sortes de bracelets puis tout le kit. D'ailleurs, c'est très drôle, j'ai vu... Tu utilises Runkeeper, je pense, Vincent? J'utilise plus Runkeeper. Fait que toi, t'as tweeté, t'as le bracelet Nike, toi. J'ai acheté... Ben, le bracelet, c'est la montre Nike. OK. Puis j'utilise l'application en même temps, là, mais ça fonctionne beaucoup mieux. C'est un satellite, là, faut que... ça se connecte, en fait, un satellite, c'est pas un satellite en tant que tel, là. OK. Ce serait un peu weird de courir avec un satellite, là. Il y a le GPS dedans, puis tout le kit, ouais, c'est ça, précis. Ouais. C'est parce que j'ai vu ton... ça l'a envoyé sur Twitter, automatiquement, je pense, à la fin, là, genre, j'ai couru tant de kilomètres en tant de temps. Ouais, puis ça le donne en mille, malheureusement. Mais j'ai envie de faire un spoof de ton tweet puis de dire je me suis acheté le bracelet Fuel de Nike puis je l'ai collé ici au bout de mes bras. Ça a pris 0.2 secondes. Puis ça a fait à peu près 8 mètres. OK. Ouais. Je trouve ça drôle. Ouais, ben ça se fait pas automatique, par exemple. C'est moi qui l'ai tweeté. Là. OK. Tu l'aimes bien, ta montre? Ouais, je trouve ça pas pire. Par contre, ça prend du temps à se connecter sur satellite, là. Ouais, ben c'est ça. Par contre, j'ai trouvé un truc pour une espèce de petit adaptateur. Au lieu de payer 200$ pour des souliers Nike, là, tu fais juste te taper sur ta jambe l'espèce de petit adaptateur. Le petit podomètre. Mm-hmm. Il y a Griffin qui vend une petite pochette que tu attaches avec du velcro à tes souliers normales, puis qui est faite justement pour mettre l'espèce de pastille dedans. Là, ouais, parce que moi, je le tape sur mon bas, puis ouais. Ça fait en masse l'affaire. Il ouais. Y a du monde qui font juste comme le mettre dans les lacets ou whatever. Ouais, mais ça, c'est parce que j'ai peur que ça tombe en courant. C'est pour ça que je le tape, sauf que je veux dire, ça fait aussi bien la job. T'es pas obligé de t'acheter des souliers à 200$ là, avec le petit trou dans ta semelle. Ça sort un couteau, tu peux le faire, le trou dans ta semelle. Je peux aussi prendre des photos avec. Là. Donc, Move, en fait, j'ai ça depuis 2 jours. Puis, bon, tant que tu as ton téléphone dans tes poches, ben lui, il va calculer grâce... c'est quoi? C'est le gyroscope, je pense. En tout cas, il va calculer le nombre de pas que tu fais. Puis, à la fin de la journée, il t'envoie un rapport. Puis, si tu vas dans l'application, tu vois où tu les as fait, ces pas-là. C'est quoi les distances que tu as parcourues? Où est-ce que tu étais quand tu les as parcourues? Est-ce que c'est gratuit? Très cher. Combien? Si elle n'est pas gratuite, elle n'est pas très chère. Ah, OK. Okay. Mais est-ce que c'est bon? Je veux dire, est-ce qu'elle calcule vraiment les pas comme il faut? Parce qu'on sait que les podomètres, des fois, qu'ils vendent en pharmacie, moi, vous dire que j'en ai, là, puis... C'est à peu près la même chose, je te dirais. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le podomètre qui calcule le nombre de secousses, ben c'est à peu près ce qu'il y a la même chose dans... OK. C'est la même chose dans le téléphone. OK. Essayé. Ouais, OK. Je vais essayer ça. Je vais checker ça. L'autre application que tu as marqué, N-Break Batch. N-Breaker Batch. Il y a un R de trop. Là. Ouais. C'est N-Break Batch. N-Break, c'est une application qui permet de prendre tes vidéos en n'importe quel format et de les transformer avec une liste de presets déjà faites ou tes propres presets. Puis c'est comme ça que tu peux facilement, en fait, c'est la solution la plus facile pour transformer des films que quelqu'un t'a prêté, mettons, pour les films mettre de famille dans iTunes, puis éventuellement sur ton iPad ou sur ton iPhone. Et bon, il y a moyen de choisir des vidéos puis les rajouter à un queue, à une file d'attente, si tu veux. Mais Handbrake Batch, en fait, te permet de le faire mieux parce que la file d'attente, il faut que tu rajoutes chaque fichier que tu veux transformer, il faut que tu le rajoutes un après l'autre, alors que Handbrake Batch, ben tu sélectionnes un dossier puis il te les fait tout d'un coup. Ah! C'est plus simple. Voilà. Bon, on va souhaiter bonne nuit à Maxime Tremblay. Bonne nuit, Max. Bonne nuit, Max. Du podcast L'Épée légendaire. Oui. L'autre application, c'est... j'ai trouvé ça cette semaine. C'est THX Tune-Up Cinéma Maison. OK. Tout le monde connaît la compagnie de LucasArts THX. Non, je la connais pas. Jeff, c'est quoi cette compagnie-là, Jeff? THX. Oui, je sais ce que... Tiens. Tu sais, le film Terminator, là, c'est la boule, en tout cas, whatever. Le son. Ouais. Tiens, fait que c'est ça. Fait que ils ont sorti cette application-là. C'est pour tuner votre cinéma maison que vous avez à la maison. Fait que quand j'ai vu ça, je l'ai installé. Je suis arrivé chez nous. J'ai ouvert ma TV, mon cinéma maison. Et ben, moi, je l'ai fait passer. Parce que j'ai pas le fil pour le brancher à la télé, mon iPhone. Fait que je l'ai fait passer par mon Apple TV. Fonctionne très bien en passant par l'Apple TV, là, c'est merveilleux. Là. Avec le AirPlay. Là. Fait que vous avez. Vous choisissez votre télé, votre cinéma maison. Si c'est un 5.1, tu ne supportes pas le 7.1, il fait juste le 5.1 ou le 2.0, le 2 speakers stéréo, là, bien basic. Puis après, ça vous fait les tests à l'écran pour voir si votre écran est bien calibré, le son est bien calibré aussi. L'application va vous dire « Ah, ça, c'est un son, ça. » Fait que c'est très bien. Présentement gratuite, mais je pense qu'elle finit en fin de semaine et elle va tomber à 2$. Ah, OK. Ouais, fait que pour ceux qui ont un cinéma maison, ceux qui n'en ont pas oublié ça, ça ne sert à rien. Fait que si vous n'avez pas de cinéma maison, ben moi, vu que j'en ai un, je l'ai essayé puis j'ai bien aimé ça. Puis en plus, on peut voir, ils ont mis, je vais finir là, dans une section à part, ils ont mis presque tous les films de, tu sais, les petits bouts quand ça commence, là, THX, là, dans les films, ils ont tous mis là les petits vidéos. Fait que tu, OK, arrêtez donc, là, j'ai fini, là, arrêtez de rire de moi, là, avec mon THX. Fait que c'est ça, fait que ils mettent tous les petits films, les petits 20 secondes, les petits bouts de films. Fait que c'est très intéressant, cette petite application-là. Excellent. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? J'ai marqué Gridly. Oui, pourquoi? Parce qu'elle sera plus là. Oh non, est-ce que ben, en plus, ce que je comprends pas, c'est qu'elle est encore là. Ah, OK. Mais ils ont pas été avertis. Ben, je sais pas, je comprends pas. C'est pas, ça a passé partout. Gridly, c'est un émulateur MAME. Ouais. Okay. Donc, on peut en avoir, quand on jailbreak le téléphone, il y en a des émulateurs MAME. Sauf que celui-là, ils ont réussi probablement à passer... incognito. À passer incognito parce qu'ils ont introduit un jeu dedans. Ils ont mis un jeu. Ils ont dit, on est un émulateur MAME, mais le jeu est déjà dedans. Sauf que ça a l'air, en tout cas, je ne l'ai pas essayé, mais ça a l'air qu'il y a un moyen d'aller sacrer nos propres ROM dans non, le... Moi non plus, je ne l'ai pas essayé. Dans l'application, et donc de jouer à d'autres jeux d'arcade. Fait que les autres, ils te donnent une petite interface, puis tu as ta manette, puis tes deux petits boutons, puis tu le quittes, mais tu peux uploader. Et comme c'est contrairement contre le user agreement, le license agreement d'Apple, ben c'est sûr que ça va être enlevé. Fait que dès que j'ai vu l'application arriver, puis je suis sûr que Jeff avait de la même chose. Ben oui. Oh, parce que la news, c'était pas l'application, c'était le fait que, oups, il y avait quelqu'un qui avait trouvé comment envoyer les ROM dedans. On avait comme... Oh, celle-là, ça va pas tout, je vais la télécharger. Ben ouais. Ben, je te le dis, elle est encore disponible. Oui, je t'attends à la télécharger. Ce que je me demande, ce que je me posais comme question, parce que sans y penser, une couple de semaines, je checkais mes dossiers, puis là, j'ai vu que le dossier d'application pour iOS pesait 70 gigs sur mon appareil, fait que j'ai tout sacré au vidange. Mm-hmm. Mais là, là-dedans, j'avais ma collection d'applications que c'est sûr qu'Apple a enlevées. Ce que je me demandais, c'est... VLC, Gridly, s'ils l'enlèvent, puis les autres, est-ce que tu peux aller les chercher via qu'est-ce que tu as déjà acheté ou il est complètement enlevé de... Non, il n'est plus là. Bah, attends, j'ai acheté ma collection, vidange. OK. T'as pas de backup? Tu fais pas des backups? Ah oui, peut-être. Oui, t'as raison. Mais il faut que le backup soit... Ah, mais tes applications sont pas dans ton ordinateur, toi? Oui. Mais dans tes backups, tu peux aller chercher les fichiers .ipa. Là, okay. Oh, ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que je comprends pas que l'application est encore là parce qu'Apple réagit assez vite là-dessus pour enlever les. Actuellement, ouais. Voilà, une journée, puis poum, il n'y a plus. Voilà. Sinon, dernière application, je pense que c'est Vincent qui l'a rajouté. Oui, ça s'appelle. C'est une application, elle vient pas de sortir, mais c'est une application qui s'appelle Coda. Coda 2, en fait, la deuxième version. Puis c'est une application de développement. Je suis parti sur la version sur le développement là, en ce moment. Et c'est du développement principalement PHP, CSS et HTML. Mais c'est quelque chose, c'est un logiciel très pratique que j'ai découvert dans les dernières semaines en créant mon thème. Ça permet, entre autres, c'est pas juste du code qu'on modifie. Donc, ça permet, entre autres, si vous ne connaissez pas par cœur le code HTML d'une couleur, donc vous cliquez sur le hashtag avec la couleur dessus, puis vous pouvez le changer directement avec une petite interface. Vous changez la couleur, puis automatiquement le code se remplace. C'est toutes des petites fonctionnalités comme ça pratiques. L'alignement de votre carte de fenêtre, par exemple, dans votre site web, vous pouvez le modifier. Au lieu de taper 10 pixels pour la marge alentour, bien, vous pouvez prendre des espèces de sliders pour adapter la grandeur que vous voulez, des bordures. Vous pouvez modifier justement avec un slider aussi solide, transparente, etc. Donc ça, c'est vraiment... J'énumère rapidement des petites fonctionnalités pratiques. Il y a aussi du FTP qui est disponible. Donc, vous pouvez transférer directement votre site web qui est peut-être hosté sur votre serveur. Bien, vous pouvez le modifier directement puis ensuite les sauvegarder sur votre serveur directement au lieu de les garder dans votre ordinateur. Donc, c'est tout plein de petites fonctionnalités comme ça. Puis, la fonction plus pratique, je trouve, c'est il fournit plusieurs livres, j'en vois trois en ce moment dans la nouvelle version, HTML, CSS et PHP, qui est en fait des livres de référence. Donc, si vous avez des questionnements sur des standards, vous pouvez aller consulter ces livres-là. Puis, justement, vous tapez une petite recherche, je sais pas si vous vous demandez la bordure, qu'est-ce que vous pouvez faire avec la bordure, vous tapez border là-dessus, puis vous allez voir tout ce qui est accepté par le standard pour faire avec des bordures, pointillés, solides, 3 pouces d'épais, transparents, etc. Puis la dernière chose qui est pratique, c'est le Find and Replace. Donc, ça existe déjà dans d'autres logiciels, mais je la trouve pratique, celle-là. Vous tapez un texte. Moi, j'ai par exemple, sur mon site, mon thème, encore une fois, il est bleu, mais avant, il était orange. Parce que je me suis basé un peu, je voulais que ça ressemble un peu à The Next Web. Je trouvais le site web beau et je l'avais mis orange au départ. Et la seule chose que j'ai eu à faire, au lieu de changer dans tout le code les 55 hashtags de code couleur, j'ai juste pu taper le code couleur puis le remplacer par le code couleur bleu. J'ai fait replace, puis automatiquement, ça a tout changé. Donc, au lieu de taper dans le code à chaque fois les 55 couleurs différentes pour le changer à bleu, bien, d'une shot, j'ai pu tout le remplacer. Donc, c'est toutes des petites fonctionnalités comme ça qui te trouvent pratiques. Puis en plus, le logiciel, je pense qu'il vaut 75$. Donc, c'est pas quelque chose de très cher pour une application aussi complexe que ça pour du développement web. Petite parenthèse à ce logiciel-là. Ouais. Si vous l'achetez, achetez-le pas sur le Mac App Store. Pourquoi? Parce qu'il va enfreindre le code du sandboxing. J'ai vu une nouvelle passer. Se sont heurtés au sandboxing de Mountain Lion. Il y a certaines choses que tu ne peux pas avoir accès si tu l'achètes du Mac App Store. OK. Fait qu'il faudrait que tu l'achètes à part du site, tu sais, sur le site carré. Okay, parce que je pense qu'ils l'ont pas mis, tu sais. Ils l'ont pas mis dans la version du site web, mais sur la version du Mac App Store, Apple ne veut pas, tu sais. L'exemple qu'ils donnent ici, c'est que, mettons, tu es en train de faire un fichier HTML, mais tu veux revenir sur ton site, tu peux pas parce que ça enfreint les restrictions de sécurité, là, je sais pas trop, là. OK, mais je vais t'envoyer le lien dans le chat, tu iras voir. Puis il y a aussi le Diet Coda, qui est une application iPad. Donc, vous pouvez faire un petit peu de programmation avec l'iPad. Là, on parlait de Hein Transmit tantôt, mais c'est la même compagnie qui fait Coda. Oui, la compagnie Panic. Oui, Panic. Justement, ils devaient paniquer. Bon. Fait que je t'ai envoyé le lien dans le chat, fait que tu iras voir pour le sandboxing. Merci. Excellent, monsieur. Je pense que c'est ce qui met fin à cette quand même une heure et demie de podcast Mac Québec. Donc, pour parce que là, Vincent n'est pas couché, il va falloir qu'il fasse le montage de tout ça. Oui. C'est bien qu'Alexis, tu te soucies de ma santé mentale et physique. Non, pas vraiment. OK, donc tu veux juste ça sorti. Voilà. On ne proposera plus maintenant, en fait, justement pour aider Vincent dans son montage, on ne fera plus le chapitrage du podcast. On va toujours l'offrir en AAC avec les notes dedans, mais il ne sera plus chapitré, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas sauter d'un chapitre à l'autre. C'est pas quelque chose qui... Il n'y a personne qui nous en parlait, qui appréciait cette fonctionnalité-là, et comme ça rajoute beaucoup de temps au montage du podcast, on a décidé de l'enlever parce que malheureusement, Vincent vieillit et commence à avoir une vie. Donc, ouais, j'ai des mal de dos maintenant, là, d'ailleurs. Attends! Puis, mais... Tu vas faire en disant notre âge. Non, souviens-toi, ça commençait à... Je vais-tu atteindre votre âge? Je sais pas. Mais ouais, c'est ça, c'est parce que ça prenait le deux tiers de mon temps. Dans le temps que je consacrais pour la post-production, de deux tiers, c'était ça. Parce qu'il faut que je l'écoute au complet. Je peux pas, par exemple, skipper une section parce que je sais que ça a très bien été. Je peux juste pas. Fait que il faut que je l'écoute absolument au complet, que j'écoute, que je mette les sons, les images et tout. Puis on n'a jamais reçu de feedback vraiment, disant que moi, à chaque fois, je les utilise. Fait que je vais faire un chapitre au complet avec les notes. Puis si vous voulez voir les notes, de toute façon, ils sont toujours dans les articles qui suivent sur macquebec.com. À chaque fois que le podcast est publié, l'article est disponible sur Macquebec. Excellent. Messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets? Moi, on peut me retrouver sur Twitter à JFroy1979, Facebook, Google+. C'est ça. Excellent. Vincent? Moi, on peut me retrouver sur Nike.com. Vous pouvez me suivre si vous voulez. Il y a quelqu'un qui a commencé à me suivre d'ailleurs. Là. Ah oui? Nike+, ouais. Je pensais pas qu'on pouvait suivre du monde, mais ça a l'air. Ouais, tu peux te construire des équipes puis essayer de battre d'autres équipes. Ouais, c'est ça. Ah. Street Fight, non? Ouais. Gym Fight, là. Ouais, Gym Fight, Street Fight. On voit pas Bison courir. Là, mais le fuel band, là, l'espèce de fuel, ça fonctionne par points. Puis j'ai remarqué qu'avec la montre, quand je télécharge mes données sur le site web, ça me donne aussi des points que ça a donné selon le nombre de calories que j'ai perdu et tout. Fait qu'au final, vraiment, le fuel band, je trouve que ça sert pas grand-chose. Mais bon. Je sais pas, si tu achètes deux bracelets, tu t'entraînes deux fois plus vite. Ben non, parce que c'est sur le même compte. Ah, en tout cas, peut-être. Je pense pas, non. Non, c'est correct. Moi, on peut me retrouver sur Twitter à DEV Vimiller. Je parle principalement de Mac. J'imagine que ça l'étonne plein de monde. Et de développement aussi. Puis ma vie, ma petite vie en général aussi. Là, des fois, je compte des petits jokes qui sont plates, là, mais bon. En parlant de jokes. C'est Dev Vincent Miller. Donc Dev V Miller. Et non pas Doo Miller. Ouais. Doo? Pourquoi Doo Miller? D-E-W. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Non, c'est D-E-V-V, Miller. Puis, ton HTC, il est où, là, avant qu'on quitte, là? Tu l'as-tu encore? Il est là. Mais il y a des bosses dessus, parce que je l'ai piché une couple de fois à terre. Mais... Ah, non. Il fonctionnait pas. il est assez lent, mais... C'est comme ça que tu toggles le LTE là-dessus. Non. Mais ça, il me reste plus beaucoup de temps. C'est parce que je pense que je l'ai déjà expliqué, mais Dell, quand j'ai quitté avec eux, fallait que je finisse mon contrat pour débloquer mon téléphone. Si je débloquais pas, fallait que je coupe mon contrat, que je me réabonne pendant au moins 30 jours pour ensuite le recouper avec eux. C'est juste un moyen pour faire de l'argent, sérieusement. Là, mais bon, je suis obligé de faire ça. Par contre, avec le forfait que j'ai, ça me coûte peut-être 30$ de moins qu'avant, puis j'ai des appels illimités partout au Canada. Fait que ça me dérange pas. Je regarde dans la première année, là, je regarde, c'est sûr, mon montant. Ouais. Et toi, Alexis, on peut te rejoindre d'où? Vous pouvez me trouver sur Twitter, Alex Cornelier. Vous pouvez me trouver sur le site de Mac Québec dans la section service. Si vous avez besoin de quelqu'un à la maison pour vous aider, faire mise à jour de mémoire, de disque dur, nettoyer un peu l'ordinateur. Ben à ce moment-là, vous pouvez faire affaire avec Mac Québec. On va venir vous aider. Cool. Sinon, sur ceci, je vais aller manger un plat de plâtre pas plate. Bon. Excuse-moi, j'ai pas compris. Un plat de plâtre de pâte pas plate. Non, je comprends pas. Non. De toute façon, c'est même pas bon. On se dit à dans deux semaines. En fait, dans deux semaines, je ne suis pas si certain qu'il va y avoir un show. Restez à l'affût sur Twitter parce qu'on s'en va au WAC, nous, au Web à Québec. Non, il va en avoir un le 13 et l'autre ne sera pas deux semaines plus tard, mais il va être une semaine et demie à peu près plus tard, autour du 21 ou du 22 février. Oui. Le WAC, c'est le 20-21-22. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. On va faire le podcast pendant le WAC. C'est ça. Ouais. C'est ça. Enregistrement de podcast, des interviews. On va WAC-caster. Oui, exactement. Ah, c'est comme ça qu'on va appeler ça, je pense. Ça fait ça. Bienvenue WAC-cast, Mac Québec. WAC-cast. Tu nous feras un thème spécial, là. WAC-a-WAC-a-WAC-cast. Ouais, on préfère un petit thème spécial. Mm-hmm. Tard, faut y aller. Ouais, c'est ça. Salut tout le monde. Bye, bonne soirée. Merci, nous. Bye bye. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ouais. Bye bye. Bye. Thank you.